Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Lisant Le Monde et préparant ces émissions, l'article d'Antoine Compagnon attire mon attention ce 22 avril 2017. Quand Montaigne parle aux jeunes Irakiens, raconte Compagnon, auteur de Un été avec Montaigne pour les auditeurs de Radio France. Un voyage en Irak, des rencontres avec des Irakiens, sujets abordés, le doute, la liberté de penser, le refus du fanatisme et la tolérance. Oui, la philosophie apporte les réponses fondamentales aux questions que nous nous posons chaque jour. Les événements passent, la réflexion reste. Le monde de Montaigne, guerre de religion, lutte pour le pouvoir, épidémie, travers humains, est-il si différent du nôtre? Celui qui pense librement pour lui-même honore toute liberté sur terre, écrit Montaigne. Original et libre, Montaigne est à coup sûr. Aimant les femmes, il n'attache guère d'importance au plaisir sensuel. Époux et père, il ne s'occupe guère de sa famille. Propriétaire terrien, il délaisse ses terres et ses biens. Il est curieux de tout, des Indiens du Brésil qu'il rencontre à Rouen, des voyages qu'il entreprend plusieurs années durant. Soucieux des affaires publiques, négociateur habile pendant les guerres de religion, il est ami de Charles IX et d'Henri IV, mais refuse les postes que lui proposent ses rois. Il est en voyage en Italie lorsqu'il est élu maire de Bordeaux, ville qu'il administre fort bien. Il est réélu, ce qui ne l'empêche pas de fuir la ville lorsque la peste sévit et de rester loin de ses concitoyens décimés. Sa vie se déroule surtout dans sa tour, la tour de son château. Là, je feuillette tantôt un livre, tantôt un autre, sans ordre et sans dessin. Tantôt je rêve, tantôt je note, et je dicte en me promenant les rêveries que je vous livre. La liberté de ton, le style hardi, métaphorique, la simplicité de ses réflexions sur la jouissance de la vie et la banalité de la mort ont assuré la postérité de Montaigne. Il n'est pas si loin de Rabelais, auteur qu'il affectionne, dont la devise « Fais ce que voudras » n'est pas si éloignée de Montaigne. On raconte de Severus Cassius qu'il parlait mieux sans y avoir pensé, qu'il devait plus au hasard qu'à sa diligence, qu'il lui venait à profit d'être troublé en parlant, et que ses adversaires craignent de le piquer de peur que la colère ne lui fit redoubler son éloquence. Je connais par expérience cette condition de nature qui ne peut soutenir une véhémente préméditation et laborieuse. Si elle ne va pas gaiement et librement, elle ne va rien qui vaille. Que sais-je, ce mot célèbre, gravé par lui sur les poutres de sa tour, le fait classer le plus souvent comme un sceptique, un épicurien attentif à lui-même. Il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même. Ou encore, et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. Magistrat comme son père, il noue une amitié profonde avec Étienne de la Boétie, son aîné, magistrat lui aussi, auteur d'un petit livre très remarqué, Le traité de la servitude volontaire, toujours d'actualité. Ce livre le rendit célèbre et Montaigne entreprit la publication après sa mort. La lecture des anciens, Sénèque, Cicéron, Plutarque, ses discussions avec son ami la Boétie sur la politique, les guerres de religion qui faisaient rage au XVIe siècle, l'étude de la philosophie font de Montaigne un érudit, mais surtout un penseur libre, un citoyen du monde. La Boétie meurt en 1563. Montaigne en est très affecté. Il n'est d'action ou pensée où il ne me manque. Cela le conduit à entreprendre d'écrire les essais en 3 livres qu'il ne cessera de remanier tout le reste de sa vie. En Irak, plongé dans le chaos et les guerres de religion, les étudiants trouvent des réponses dans l'œuvre de Michel de Montaigne qui ne sont pas sans rapport, selon eux, avec certaines sourates du Coran qui font également l'éloge de la tolérance. Et Antoine Compagnon leur cite cette belle phrase tirée des essais: un parler ouvert ouvre un autre parler, comme le fait le vin et l'amour. À Bagdad, la dernière partie de la phrase n'a pas été prononcée. Pauvre Abu Nuwas, le grand poète arabe de Bagdad, qui chanta au 8e siècle le vin et l'amour.